froid à nous sert, presque compter jusqu'à toi. À nous sert, qu'elle peut compter sur ses doigts. À nous sert, qu'elle peut compter sur la loi. Elle regarde passer les passants, elle attend. Annie fait toujours, toujours quelque part.